Quant à la femme avec qui il a eu le rapport, elle est de deux sortes, soit elle est contrainte, soit elle ne l'est pas. Alors en premier, la femme qui est contrainte, qu'est-ce qu'il y a sur elle? Le premier avis, qu'elle n'a pas de kafara à faire, mais qu'elle doit rattraper ce jour. Et c'est la parole de Ahmed, d'Al-Thawri, d'Al-Awza'i, ainsi que d'Al-Hassan et de Ashab al-Ra'i, les gens de l'opinion. Et également, est rattachée à ça, celle qui est pénétrée alors qu'elle dort. Le deuxième avis, si elle est menacée jusqu'à ce qu'elle fasse, alors c'est comme le premier avis. Et si elle est forcée, ainsi que si elle est endormie, alors elle ne rompt pas son jeûne. Et c'est la parole de Shafi'i, Abu Thawr et Ibn al-Mundhir. Troisième avis, elle n'a pas de kafara, ni elle n'a à rattraper, même si elle est menacée. Et son psaume est valide. Et c'est un avis chez les Shafi'iyya que An-Nawawi a renforcé, ainsi qu'à Shirazi dans At-Tanbih et Ar-Rafi'i dans son Sharh, et ainsi que d'autres. Et c'est l'avis juste, et c'est ce qu'a choisi Al-Allama ibn Uthaymin, rahimahullah, wallahu a'lam. Quant à celle qui n'est pas contrainte, c'est-à-dire qu'elle a un rapport volontaire avec le mari, dans ce sujet-là, il y a deux avis. Le premier, c'est qu'il lui incombe la kafara, c'est-à-dire l'expiation comme l'homme. Et c'est l'avis de l'imam Malik et d'Abu Hanifa, d'Abu Thawr, Ibn al-Mundhir. C'est un avis de Ahmed et une parole de Shafi'i, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs avis sur le sujet. Et Al-Hafidh ibn Hajar a dit que c'était l'avis de la majorité. Et ils ont pris comme argument la parole de celui qui avait eu un rapport avec sa femme dans la journée de Ramadan, dans certaines voies du hadith, où il dit halaktu wa ahlaktu, c'est-à-dire j'ai péri et j'ai fait périr. Et ils ont dit l'éclaircissement du jugement pour l'homme est un éclaircissement qui la concerne également, la femme, du fait qu'il leur était interdit à tous les deux de rompre le jeûne. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Le deuxième avis, c'est que la kafara, l'expiation, ne la concerne pas et qu'elle est spécifique à l'homme. Et c'est la parole d'Al-Hassan, d'Al-Awza'i, c'est une transmission de l'imam Ahmed, et une parole de Shafi'i. Et c'est, il y a un avis juste chez les Shafi'iyya, c'est-à-dire c'est ce qu'ils préfèrent. Et c'est la parole de Daoud et de Ahl al-Dahir et d'Ibn Hazm. Et ils ont pris comme argument la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Tasaddaq bihada. Yani donne ça en aumône, et il est venu un ajout en dehors du sahih, car le hadith muttafaqun alayh, il est venu un ajout en dehors du sahih, an nafsik, yani pour toi. Et la transmission d'Al-Bukhari renforce cela avec les termes, at'im hada anka, yani nourris ça pour toi. Et il a dit pour toi seul, c'est-à-dire pour l'homme. Et il n'a pas parlé de la femme. Et de la même façon, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé, il a dit, est-ce que tu trouves un esclave à affranchir? Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Etc. Et également, ils ont pris comme argument le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu et n'a pas demandé à propos de la femme, malgré qu'il y avait un besoin. Et ils ont répondu aux preuves de la majorité, c'est-à-dire ceux qui voient le premier avis, qui lui incombe à la femme de faire une kafara, par le fait que la riwaya qu'ils ont ramené, la transmission, halaktu wa ahlaktu, j'ai péri et j'ai fait périr, que c'est un ajout faible. Et ils ont dit également que le fait qu'il leur était interdit à tous deux de rompre n'implique pas que la kafara leur soit obligatoire à tous les deux. Au contraire, le hadith prouve qu'elle n'a pas de kafara, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné cela. Et la majorité a répondu à ça par le fait qu'il s'agit d'une affaire précise. Ainsi, le silence ne prouve pas un jugement, car il est probable que la femme ne jeûnait pas à cause d'une excuse valable, ou il est possible que la cause du silence quant au jugement sur la femme, c'est-à-dire le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est dû à ce qu'il a compris, à ce qu'il a appris de la bouche de l'homme sur le fait qu'elle n'était capable de rien. Et les partisans du second avis ont répondu à la majorité, c'est-à-dire le second avis, qu'elle n'a pas de kafara à faire. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interrogé sur la situation de la femme, alors qu'il ne savait pas si elle avait une excuse. C'est-à-dire si il y avait une kafara à faire pour la femme, il aurait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son mari, à savoir est-ce qu'elle était en état de jeûne ou est-ce que je n'ai pas. Et il lui aurait dit, dans ce cas-là, elle a la kafara à faire. Et il n'a pas interrogé le mari au sujet de sa femme, mais il s'est seulement adressé à lui. Et notre cher Ibn Hizam, Hafidhahullah, dit, les deux avis sont forts, mais le deuxième est plus juste et Allah est plus savant. C'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas de kafara à faire, mais c'est seulement sur l'homme.